Avoir plus a été une obsession de ceux qui ont été privés dans leur jeunesse. J'ai vécu cette période d'après-guerre où la croissance fut un idéal incontesté. La quantité avait remplacé la qualité comme valeur et contribua au développement de notre société productiviste. Remplir son corps de plus de nourriture qu'il n'en a besoin, au lieu de s'intéresser aux nutriments qu'il réclame, le contraindre avec des excitants, le brutaliser avec des rythmes sans rapport avec sa biologie, ne pas l'écouter quand il s'exprime, ne pas être bienveillant avec soi-même, sont les sources de nos maladies. Ralentir, s'entourer de silence, écouter nos voix intérieures, être son propre médecin, rechercher ses vrais besoins et apprendre à se connaître permettent au contraire, en étant bienveillant avec soi-même, de se protéger des dérèglements. Ce qui est vrai du corps l'est aussi de l'esprit. Nos sociétés nous éduquent dans un esprit où la raison à une place centrale, afin de pouvoir plus tard exercer une activité qui soit efficace et constructive. Par ailleurs, à long terme, les directions dans lesquelles nos sociétés nous dirigent sont autodestructrices et donc complètement déraisonnables. Cela est reconnu par une majorité de personnes individuellement. Mais collectivement, nous n'arrivons pas à modifier ces directions. Les constats répétés de contradictions dans les choix pris par les décideurs, la complexité croissante de nos sociétés perturbent le bon sens. La disparition d'un avenir meilleur, la perte de confiance généralisée, crée alors mal-être, angoisse et agressivité. Nos consciences sont malmenées. La démission et le repli sur soi deviennent des postures de sauvegarde. Alors il faut résister, refuser le panurgisme, se faire confiance, garder son autonomie intellectuelle, créer son propre mode de vie, vivre chaque jour comme si c'était le premier, vivre chaque heure comme si c'était la dernière. Autrement dit, retrouver cette capacité d'être émerveillé par le monde et jouir d'être en vie pour en être le témoin privilégié. Ainsi, on peut penser que la vie est miraculeusement belle.